écraser la cigarette, l'impression d'étouffer. Aïe aïe aïe, dans quoi je me lance, le sentiment d'exister. À la fin de la journée, juste avant de sombrer, je mets de l'ordre dans mes idées. Et je me dis tout, tout, tout est virtuel. Et c'est tout, tout, tout naturel. La vie, tout, tout, tout l'essentiel. Le grand tout du tout pour tout. Tout est dans tout. Pas de pensées obscènes, ah non, c'est pas la peine. Derrière mes yeux tu traînes, j'arrête pas de t'aimer. Je sais c'est intense et c'est insensé. Je perds tout, je trouve même plus mes clés. Et je me dis tout, tout, tout est virtuel. Et c'est tout, tout, tout naturel. La vie, tout, tout, tout est éternel. La mort, c'est le rien du tout. Tout est dans tout. Avancer, je parle tout seul. Mes mots vont s'égarer dans l'obscurité. Je vois le décalage, j'attends le train raté. Mais si tu veux, tu me gardes dans ton immensité.